Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 76. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 29 avril 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es juvénile, tu es diabolomante, tu es complexe d'Omar, tu es David Hamilton ou Vladimir Nabokov, tu es possédé par la Star Academy et tu es aussi... C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison, on peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici, tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es adolescent et tes vieux te gonflent. Alors, au printemps 2002, lors de la précédente élection présidentielle, un record avait été battu chez les jeunes de 18 à 24 ans. 37% d'entre eux s'étaient abstenus. Or, dimanche dernier, à l'occasion du premier tour, il n'était plus que 23% à ne pas s'être déplacés vers les urnes. Ainsi, à l'heure où la jeunesse de France a sans aucun doute retrouvé le goût de la chose publique, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de s'intéresser à celles et ceux qui constituent notre avenir, à savoir les adolescents. Et pour commencer, d'Arthur Rimbaud à Salut les copains, nous allons tenter de te retracer l'évolution de la construction de l'adolescence. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons d'appréhender les différents types de rapports qu'entretiennent les adultes avec la jeunesse. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise fabriquée par la panique qui mettra justement face à face un vieux con et quelques jeunes imbéciles. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons combien l'existence d'un adolescent centriste aujourd'hui n'est plus du tout la même depuis les résultats électoraux de dimanche dernier. Et enfin, te raconter pourquoi les relations filiales entre Jean-Claude et sa fille Elsa se sont dégradées ces derniers jours au grand désespoir de Monique. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son mais range ta chambre. Hang Up, c'est Madonna qui rencontrait ABBA sur le dance floor en 2005. Hang Up, autrement dit raccroche, c'est le cri des parents aux ados accros du téléphone. Des ados qui leur répondent « ABBA les vieux !» Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé, entre les deux tours de la présidentielle, de s'intéresser à une période entre deux âges, à savoir l'adolescence. En effet, coincé entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescence se caractérise surtout par un chamboulement hormonal. Oui, ton corps change, mais ce n'est pas sale. Oh, les belles moustaches, moustaches, moustaches. Non, jamais on en a vu un aussi moustachu. Oh, les belles moustaches, moustaches, moustaches. Qui sait donc y a donné autant de poils sous le nez ? Eh oui, au sortir de l'enfance, le corps change, c'est la puberté. Pourtant, la notion d'adolescence est récente. Ainsi, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas de période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, sinon un rite de passage comme la communion solennelle ou le service militaire. Seuls les enfants de la bourgeoisie, qui allaient alors au lycée, pouvaient être réellement considérés comme des adolescents. Privés donc d'adolescence, toutes les filles, ainsi que les jeunes garçons des classes populaires, devenaient très vite adultes. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Les Gavroche et les enfants des couches populaires ne connaissaient donc pas l'adolescence comme on l'entend aujourd'hui. Et oui, dans le peuple, on devenait très vite adulte juste après l'enfance. Ainsi, du dormeur du Val pendant la guerre de 70 au jeune massacré de Vimy et du chemin des dames en 1917, l'adolescence a payé un lourd tribut aux guerres modernes. Car sacrifier la jeunesse, c'est souvent se priver d'une conscience émue, porteuse de joie de vivre. Quand tu seras ému devant leur joie de vivre, devant leur soif d'amour, quand tu auras pleuré. Pour un Alain Fournier vivant le temps d'un livre, ou bien pour Guy Moquet mourant au temps d'aimer. Le temps d'aimer se perd, le temps est ce qui passe, le temps est ce qui meurt, l'espoir est ce qui naît. Regarde ces garçons, ces filles qui s'embrassent, il va naître pour eux le temps que tu voulais. Alors tu comprendras, alors tu aimeras la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Comprendre la jeunesse, c'est également être ému face aux 17 ans de Guy Moquet, lycéen arrêté puis fusillé en 1941 pour avoir distribué des tracts dénonçant l'occupation et le régime de Vichy. Mais après la guerre, la jeunesse prend conscience de sa spécificité entre enfance et âge adulte. L'Europe est alors en reconstruction et en France, le rationnement se poursuit jusqu'en 1949. Du coup, pour des adolescents en pleine croissance, c'est donc biscuits vitaminés et huile de foie de morue pour compenser les déséquilibres alimentaires. Voilà comment tu les en nourris, voilà le résultat. Bon, et eh ben le résultat, voilà, c'est des gamins qui n'ont pas poussé. Ils n'ont pas poussé. Faut pas dire qu'ils ont poussé, ils n'ont pas poussé. Ils sont vilains, ils sont rabougris. Ils sont tout petits, ils sont tout vieux. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Ils n'ont pas grandi. Ah bah oui, oui. Mais c'est... C'est pas grandi sur les choses. C'est ni fait ni rien. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On a qu'à les attacher là où on attache les vélos. Ouais, pour qu'ils mordillent les pneus, certainement. Bon! C'est sûr qu'un ado en manque de chewing-gum, ça pourrait bien mordiller un pneu. Alors, au tournant du XXe siècle, la jeunesse acquiert de plus en plus son autonomie dans la société. Mais la véritable apparition de l'adolescence, ce sont les années 60. Salut les copains, bonjour chez vous. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et doua, didi, doua, didam, didi, dou. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais, c'est l'hymne des enfants du baby-boom. Mais les adolescents euphoriques et idéalistes des Trente Glorieuses ont laissé place désormais à une génération désenchantée. Nous gagnerons à devenir fous, une maxime que l'on perd souvent en quittant l'adolescence. Cette période très particulière de la vie est d'autant plus complexe qu'elle est protéiforme, allant de l'adolescence introvertie et torturée au beau gosse tombeur de minette. Surtout qu'à 16 ans, ça ne signifie pas la même chose selon le lieu où l'on grandit. Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Les petits patelins pour mieux aussi à la misère, alors rien à faire là, tout est vert. Ces petits patelins pour mieux que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Cardon. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Yo, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne peut contester que l'adolescence est une période à part entière. Un âge avec ses codes, sa culture et une fonction politique et sociale, bien sûr. Alors les jeunes, on voit qu'il y a une nette montée de l'insécurité dans les banlieues. Mais je sais pas, on est le combien? Ben, le 22 janvier. Ah, c'est normal, monsieur. Il y a les présidentielles dans 3 mois, c'est pour ça. Faut pas avoir peur, hein, c'est cyclique. Ben, attendez, c'est pas que ça. Non, il y a de l'insécurité, les chiffres le prouvent. Mais oui, il a raison. Moi, j'ai regardé TF1, là, l'autre jour. Pernaud, là, à midi, 25 minutes, il a parlé de l'insécurité. Il a raison, Jean-Luc. Moi, j'ai regardé Pernaud une fois. J'ai tellement flippé, j'ai acheté un chien loup. Mais heureusement que t'as pas regardé Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. Hein. T'aurais acheté un ours. Commençons ce journal par la montée de l'insécurité, ce mal insidieux qui est la première préoccupation des Français. Ouais, enfin, la première préoccupation de quelques adultes qui veulent faire peser sur certains adolescents cette insécurité. Une stigmatisation des jeunes qui ne veut plus dire grand-chose quand on sait qu'il est de plus en plus difficile de distinguer l'adolescence de l'âge adulte, puisqu'un nouvel âge semble apparaître, l'adolescence, entre l'adolescence et l'âge adulte, justement. Car l'enfant, pour devenir une femme ou un homme, il doit franchir plus d'un cap et souvent des détroits. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais... sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir, que la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit « Ramons tous !» À la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant, il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais, l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc. Gibraltar, c'est ce que chante Abdal Malik sur son album éponyme. Et comme diraient les mômes, oh, attends, Abdal Malik, c'est trop bien. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire de ce qu'on appelle l'âge ingrat, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes aux différents types de rapports qu'entretiennent les adultes avec les adolescents. Oui, mon ami, comment faire aujourd'hui lorsque tu as 16 ans et que tu désires t'émanciper? Eh bien, après les avoir longtemps considérés comme des héros, un beau matin, figure-toi que l'adolescent prend peur lorsqu'il observe la vie toute pourrie de ses parents, car il y voit son propre avenir et forcément, il se dit que franchement, une vie de merde comme celle-là, ce n'est évidemment pas pour lui. Trop naze, quoi. C'est alors qu'il devient vital pour l'adolescent de s'éloigner de ses parents pour mener une vie différente de la leur. Seulement voilà, c'est à ce moment-là que le jeune subit ce que Françoise Dolto a défini comme le complexe du homard. Autrement dit, l'adolescent devient un peu comme ce crustacé qui change de carapace mais qui reste sans défense le temps de la mutation. Prise de conscience difficile et violente chez le jeune. C'est pourquoi les parents, à ce stade critique, doivent être réellement vigilants. Et heureusement, il arrive que certains pères, notamment, savent trouver les mots justes pour rassurer leur fils. Paul, viens 2 minutes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais sortir avec des copains. Comment ça, tu sors? Oui, c'est la fin de l'année. Je peux le cinéma, j'ai 16 ans. Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu aurais au moins pu en parler à ta mère. Monte tes poignets. Mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Des bracelets de force. Et ça sert à quoi? À conduire une moto de trial. Et où est ton trial, comme tu dis? Justement, je compte travailler pendant les vacances et me servir mon livret de caisse d'épargne pour en acheter une. Et ton stage dans les gorges du Pouchelon? J'y vais plus. Enfin, Paul, tu délires! Merde, mais j'ai 16 ans tout de même! T'as peut-être 16 ans, mais tu peux rester poli! Je reste poli, papa. Écoute, nous verrons cela au calme. Demain, il fera jour. C'est tout vu. C'est tout vu. Pour s'émanciper, un adolescent doit défier l'autorité. C'est ainsi. Mais parfois, il faut être plus rusé que la confrontation, car lorsqu'un refus parental se veut définitif et qu'il n'est donc plus possible de négocier une sortie vendredi soir, eh bien là, il faut avoir recours à certains stratagèmes. T'avais dit à ta mère que tu dormais chez Stéphanie, manque de bol, Stéphanie a appelé. Elle voulait savoir ce que tu faisais pour la soirée. Vers 5h du matin, quand t'es rentré sans bruit, surprise, tes parents t'avaient attendu toute la nuit. Ils ont remarqué tout de suite que t'étais plus la même. Ta mère a pleuré, ah, ma fille est une femme. Et oui, qui n'a pas le souvenir, malgré le stratagème, d'avoir trouvé son père ou sa mère derrière la porte en pleine nuit? Ah tiens, salut. Séquence délicate. Mais bon, si du point de vue des mômes, les adultes sont en général trop oppressifs à leur égard, heureusement qu'à l'adolescence, on peut toujours compter sur ses meilleures copines. Mais non, mais elle n'est pas venue non plus au cours de Monsieur O'Neill. Alors bon, je suppose qu'elle a quitté le collège. Mon Dieu, j'espère que c'est pas à cause de... Enfin bon, tu vois ce que je veux dire, hein. Parce qu'après tout, elle est pas si moche. Mais c'est vrai, moi je trouve qu'elle reste élégante. Bien qu'elle soit devenue grosse, elle pourrait servir une noble cause. Ah non, non, je t'arrête. Si délicatesse oblige, n'employons pas le mot grosse pour parler de la présidente du club. Tu as raison. Elle pourrait servir une noble cause et relever un défi intéressant en voyageant toute l'année à travers le monde pour démontrer aux gros... enfin, je veux dire aux femmes fortes, qu'avec un joli camail de couleurs, elles peuvent se mettre en valeur malgré leur rondeur. Attends, tu m'attends là, je reviens tout de suite. Hein. Et voilà. Si les parents représentent l'autorité à combattre, les bonnes copines, elles, peuvent incarner la cruauté inhérente à l'adolescence. Mais alors, vers qui peut-on se tourner, bon sang, pour trouver refuge lorsqu'on se sent seul et perdu sur la brèche de cet âge ingrat? Eh bien, le salut vient en général d'une grande sœur ou d'un grand frère. Et en ce moment, vous le savez, la nouvelle idole des jeunes, c'est Patrick Bruel. Hier, il a encore fait un tabac à Bourges. À côté, Jean-Jacques Goldman, la vedette de l'année dernière, fait figure d'ancêtre. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disent les groupies de Patrick, encore tout excités quand Isabelle Pasquier les a rencontrés après le concert. Il nous parle et tout quoi, c'est comme s'il était avec nous, comme s'il était assis à côté de nous puis qu'il discutait. Il reste pas tout seul sur la scène comme s'il nous ignore, il est avec nous, ça c'est super. Qu'est-ce qui fait que vous craquez autant quand même pour lui? C'est pas qu'on craque, non. C'est le seul qui a trouvé les mots qui arrive à dire ce qu'on nous on pense. Il arrive à sortir des choses, nous on est capable de les dire, enfin. Ça nous touche, c'est comme si nous on parlait. Il a fait des films, il a fait des chansons, mais il est toujours resté au même stade, il a pas pris la grosse tête quoi. C'est plutôt le prince charmant ou grand frère? Non, plutôt le grand frère. Ouais, grand frère, ouais. Ouais. C'est le mec comme un ami. Ouais, c'est super, mais l'année prochaine, Patrick sera peut-être remplacé par quelqu'un d'autre. Ah, Patrick, toute une histoire avec l'adolescence prépubère, la pizzeria sur les Champs-Élysées, tout ça. Mais bon, cela dit, les idoles ne sont pas les seuls adultes à pouvoir soulager les affres d'une adolescence difficile. Il y a bien sûr également tous les adultes sensibles qui tentent de comprendre les mécanismes psychiques subtils qui viennent parfois troubler les âmes de la jeunesse. À l'adolescence, la poussée sexuelle est aussi violente chez la fille que chez le garçon, mais elle est plus insidieuse, elle est plus masquée, et elle est plus ignorée de l'intéressée elle-même. Cela tient probablement en partie à la nature biologique de la femme, mais beaucoup plus encore aux conditions psychosociales dans lesquelles elle vit. C'est pourquoi l'adolescence est l'âge par excellence de ce que l'on peut appeler les fausses sublimations. Sur le plan sentimental, la fille ne reconnaît pas son élan affectif comme la traduction de l'instinct sexuel. Elle choisira presque toujours l'homme avec qui rien ne peut lui arriver. Une sorte de peur instinctive lui fait préférer l'homme qui ne la choque jamais. Une peur instinctive qui, soi-disant, fait préférer à l'adolescente un homme qui ne la chope jamais. Ouais, enfin bon, là encore, chère madame, il ne faut pas généraliser, hein. Demandez par exemple à Vladimir Nabokov ce qu'il en pense, lui. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette? Allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire? Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Alors maintenant, pour enrichir notre regard sur les rapports qu'entretiennent les adultes et les adolescents, la panique t'a concocté ce matin une rencontre entre un vieux con, le facétieux Pierre Desproges, et quelques jeunes imbéciles, tous incarnés par Elie Semoun. On découvre ce petit face-à-face juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Je n'ai jamais aimé les jeunes. La jeunesse, toutes les jeunesses, sont le temps kafkaïen, où la larve humiliée, couchée sur le dos, n'a pas plus de raison de ramener sa fraise que de chance de se remettre toute seule sur ses pattes. L'humanité est un cafard, la jeunesse est son ver blanc. Arrête ! Salut, c'est Kevin. Salut, c'est Julien. Samedi soir, on organise une boum pour l'anniversaire à Julien. Alors, il y aura jus d'orange, coca, et pour ceux qui veulent se bourrer la gueule, il y aura du panaché. En plus, c'est Giants, mes parents rentrent pas avant 18h. Alors, on a un petit problème, c'est que pour les slow, on n'est que 12 mecs, alors on recherche des meufs pour s'amuser, pour rigoler, et surtout pour niquer. Aujourd'hui, les jeunes me sont encore plus odieux, leurs bubons d'acné me dégoûtent comme jamais. Leurs chambres puent le pied confiné et l'incontinence pollueuse de leurs petites détresses orgasmiques. Et quand ils baisent, les connards, c'est bruyamment et à côté des trous. Les hommes, je préfère quand ils sont plus mûrs. À 14 ans, c'est des vrais bébés. Alors que Julien, il a déjà une mobilette et une petite moustache. En plus, Nadia m'a dit qu'il a sûrement déjà fait l'amour. Remarque, c'est normal, il a quand même 14 ans et demi. Et comment ne pas claquer ses têtes à claques devant l'irréelle sérénité de la nullité intello-culturelle qui les nimbe ? Salut, c'est Kevin. Salut, c'est Julien. Si on est là, c'est pour mobiliser la jeunesse sur des problèmes de chômage de SDF. Ouais, le chômage, pour ceux qui travaillent pas, c'est pas bien. Putain, mais merde! Vous les voyez pas, ceux qui crèvent de faim dans la rue, dans le métro, ou en Espagne, ou de soif? Ils ont juste besoin d'un geste amical, d'une caresse! Alors, pour tous ces pauvres, avec Julien, on a décidé de faire une collecte de mousse à raser. Oh, putain, fais chier ces portables. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est Marido. Ouais. Ça marche pour le rallye? Ouais! Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, le chômage, c'est chiant. Oui, j'entends déjà les commentaires de... Oui, tu dis ça parce que t'es en colère. En réalité, ta propre jeunesse est morte et tu jalouses la leur qui vit, qui vibre et qui a les abdominaux plats, la police. Eh ben ça, c'est faux. Et je m'insurge. J'affirme que je haïssais plus encore la jeunesse quand j'étais jeune moi-même. Autant que la vôtre, je renie la mienne. Mais vous, jeune frais du jour, qui ne rêvez plus que de fric, de carrière et de retraite anticipée, reconnaissez au moins à ces pisseux d'hier le mérite d'avoir eu la générosité de croire à des lendemains chez Guevaresque sur d'irrésistibles chevaux sauvages. Love You, c'est ce que chante le groupe anglais Little Berry sur son dernier album intitulé Stand Your Ground. Love You, c'est aussi ce qu'a dû crier la jeunesse berlinoise au génial Rostropovitch, mort avant-hier, lorsqu'il était venu jouer du violoncelle aux toutes premières heures de la chute du mur, assis sur une chaise, le 11 novembre 1989. Alors maintenant, pour prolonger notre exploration de cet âge où tout est encore possible, il est temps désormais, à 11h33, de te dévoiler combien la vie d'un adolescent centriste n'est plus du tout la même depuis les résultats électoraux de dimanche dernier. C'est ainsi, mais avant que François Bayrou ne devienne réellement dimanche dernier le troisième homme, avec plus de 18% des suffrages exprimés, eh bien, l'adolescent centriste, lui, devait affronter sans cesse quolibets et moqueries de la part de ses petits camarades de gauche comme de droite. Personne ne l'invitait aux fêtes, il ne recevait jamais de textos, lorsqu'on jouait au football, il était le dernier choisi pour faire partie d'une équipe. Bref, pour résumer, avant dimanche dernier, la vie de l'adolescent centriste, ça ressemblait à ça. Tiens Antoine, comment ça va? Vous allez bien? Qu'est-ce qui vous amène? Ben j'ai deux places pour une conférence, c'est Gavotti sur la musique électronique. Ah oui je sais, non mais je peux pas venir, j'ai beaucoup de travail cet après-midi. On peut aller au cinéma alors? Non non, franchement je peux pas venir, non. J'ai un devoir à rendre demain. Ah bon? Oui. On peut discuter 5 minutes, non? Non non, on se verra un autre jour, au revoir. Au revoir. Et oui, cruelle jeunesse, car jusqu'à présent, tout le monde évitait Antoine, 18 ans, adolescent centriste et méprisé. Seulement voilà, depuis dimanche dernier, tout a changé pour Antoine. Désormais, il est au cœur de toutes les attentions. D'ailleurs, dès lundi matin, l'adolescent centriste a reçu de nombreux coups de fil, notamment d'un adolescent de droite, Benoît, qui s'est précipité pour l'inviter à une fête chez lui, à Neuilly. What? N'oublie personne, tu m'étonnes, s'est dit alors Antoine, l'adolescent centriste. Cela dit, il a préféré ne pas répondre immédiatement à Benoît. Et puis, dans l'après-midi, Antoine a croisé Charles et André, deux autres amis centristes qui, eux aussi, avaient bien reçu l'invitation pour cette surprise partie organisée par Benoît, l'adolescent de droite. Mais, visiblement, face à ces deux amis centristes, pour Antoine, il y avait un souci. Doucement, là, pas si vite, vous allez pas à la surboom que donnent les bisous, merde. Mais si. Oh, c'est pas vrai, c'est pour les mouflets. Vous venez juste de vous tirer de ce bahut, vous allez pas y retourner. Tu n'as aucune sensibilité. Nous y allons en souvenir des années où nous étions purs. C'est pas si ridicule que ça. Eh ben, allez, vas-y. Ben, viens avec nous, quoi. Et mon cul, je suis pas taré. Mais viens, en souvenir du bon vieux temps. Ben oui, écoute, vas-y toi, va danser le rock, mon lapin. Va donc te replonger dans le souvenir des années que tu ne retrouveras plus. J'ai pas l'intention de m'exiler dans un collège de luxe. J'ai l'intention de rester ici et de continuer à rigoler. Eh oui, pour Antoine, l'adolescent centriste, il fallait continuer à profiter de ce tout nouveau désir à leur égard. D'autant qu'un peu plus tard, Marjolaine, une adolescente de gauche, venait elle aussi de les inviter à une fête. Un peu paumé, Antoine décida alors d'aller consulter son père. N'est-ce pas, chacun est ou a été jeune dans la société, mais cela ne suffit pas pour que ceux qui ont été jeunes hier comprennent nécessairement les jeunes d'aujourd'hui. Et je vous dirais d'ailleurs qu'à mes yeux, une des premières disciplines d'esprit qu'il faut avoir, vous qui êtes jeune, c'est de vous dire que d'ici 10 ans, 15 ans, vous aurez rejoint le camp de ceux qui sont moins jeunes. Et il ne faudra pas avoir oublié automatiquement, n'est-ce pas, tout ce qui, à l'heure actuelle, vous paraît à la fois si évident et si fort. Sur ces mots, Antoine venait de comprendre que son père n'était vraiment plus du tout dans le coup et qu'au final, il lui recommandait surtout d'aller à la fête de Benoît, l'adolescent de droite. Tu parles. Antoine s'est dit alors qu'il fallait qu'il se construise contre l'autorité paternelle. C'est pourquoi Antoine a donc choisi de se rendre à la fête de Marjolaine, l'adolescente de gauche. Après avoir salué quelques convives de gauche, Antoine, l'adolescent centriste, s'est donc enfilé quelques whisky Perrier jusqu'à l'arrivée de Marjolaine, l'adolescente de gauche. Après avoir longuement discuté, l'un et l'autre se sont aperçus qu'ils partageaient une vision du monde assez proche, si ce n'est un très léger désaccord sur le financement des surprises parties. Et puis, la soirée s'est enflammée. Et là, Antoine n'a pu s'empêcher de faire remarquer à Marjolaine que certes, il était venu chez elle ce soir, mais qu'il avait tout de même quelques désirs. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Faut que ça se lame, ne me déçois pas. Faut que tu bouges et que tu danses. Sur ce son, faut que tu déhanches. Faut que ça balance. Antoine, l'adolescent centriste, s'est alors tranquillement détendu parmi cette jeunesse de gauche. Il a même fini par avouer à Marjolaine que Benoît, l'adolescent de droite, avait exercé sur lui des énormes pressions pour qu'il ne vienne pas à cette fête. Ce à quoi Marjolaine a immédiatement réagi. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Et puis au même moment, bien sûr lundi soir, il y avait la fête de Benoît, à Neuilly donc, où Charles et André, les deux autres adolescents centristes, se sont rendus. Seulement voilà, dès leur arrivée, ils ont été surpris par les recommandations de Benoît, l'adolescent de droite. Procédons dans l'ordre. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Pas d'exception, jamais d'exception. Il va se faire lyncher. En langage gore, sexe rime avec mort, ok? Règle numéro 2, ne jamais picoler, ni se shooter. Boire est un acte avilissant. Qui conduit toujours à enfreindre la règle numéro 1. Règle numéro 3, ne jamais, au grand jamais, dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite, parce qu'on n'en revient jamais. » Je vais chercher une bière, qui en veut une. Ouais, je veux bien. Je reviens tout de suite. Il ne respecte pas les règles. Attends-toi à mourir. On te retrouvera avec un couteau dans le ventre. La fête de Benoît a donc débuté très paisiblement, jusqu'à ce qu'un invité se pointe et viennent bousculer nos deux ados centristes. Laisse-moi passer, je suis chiré, je suis foncé. Laisse-moi passer, c'est à moi de donner. Je suis le doc gynéco, je suis le mec en gueveau. Le mec à la deux mots dont elles sont toutes acrobates des mots. Elles kiffent mes jeux de mots et mon numéro. Doc gynéco, oui je le neco. Oui tu le neco, c'est le gosse boki. Lèche la feuille à rouler. Je la lèche, car j'aime la fumer. Franchement, Charles et André ne pensaient pas qu'il y aurait de la Marie-Jeanne à la fête de Benoît. Les ados centristes étaient outrés d'un tel énergumène et commençaient à regretter vivement de ne pas avoir finalement suivi Antoine à la fête de Marjolaine. Antoine le centriste qui finalement a passé toute sa nuit parmi la jeunesse de gauche. D'ailleurs, Antoine s'est couché très tard avec eux. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là? Oh ça va, tu vas pas nous gonfler. Qu'est-ce qu'il y a Guy, si t'as quelque chose à me dire? Bah hier t'étais pas bourré. Ouais, t'étais pire. Oh, désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. Promis demain, j'arrête de boire. Hier c'était la dernière. Bon ben, salut, on s'appelle? Et oui, Marjolaine venait donc de proposer à Antoine de le rappeler pour organiser d'autres fêtes. L'adolescent centriste venait de passer une soirée mémorable, la tête à l'envers, chez Marjolaine, l'adolescente de gauche. Cela dit, le lendemain, Antoine a croisé Charles, son ami centriste, qui lui avait sacrément les boules quand il évoquait la fête de Benoît, l'adolescent de droite. Déjà que dimanche soir, il s'était fait couillonner à une autre fête organisée par Benoît, alors merci hein. Les copains m'avaient dit, on compte sur toi dimanche. Y aura peut-être la Sylvie qui viendra sans son mec. Elle est con comme un manche, mais t'as la cote avec. T'as pas à te faire de bile, pour toi c'est dans la poche. T'es pas encore débile et elle est pas trop moche. Elle est pas venue la belle, moi j'ai tenu les chandelles. J'irai plus dans vos booms, elles sont tristes à pleurer. Comme un sourire de clown, comme la pluie sur l'été. De toute façon, t'en fais pas, m'avaient dit les copains. Des nénettes, y en aura beaucoup plus que des mecs. Le quart d'heure américain, ça va tripoter sec. Des filles en avec 12 pour 80 poilus. On fait mieux comme partout, mais non, je suis pas aigri. Y'a qu'avec les petits luxes, ça a été l'orgie. J'irai plus dans vos booms, elles sont tristes à pleurer. Comme un sourire de clown, comme la pluie sur l'été. Lorsque je suis arrivé sur ma vieille mobilette, y'en avait qu'écouter le dernier David Bowie. Ils flippaient comme des bêtes autour d'une chaîne pourrie. Ils fumaient les P4 en buvant du coca. Un pauvre type sur sa gratte jouait jeux interdits. Y'avait même une nana qui trouvait ça joli. J'irai plus dans vos booms, elles sont tristes à pleurer. Comme un sourire de clown, comme la pluie sur l'été. Y'avait deux, trois loubards qui assumaient leurs instincts. En chouravant dans le noir, les disques et les larfeuilles. Je voyais tout, je disais rien, c'était mes potes d'Argenteuil. Plus tard dans la soirée, j'ai fait marrer tout le monde. Faut dire que j'ai raconté 300 000 histoires belges. J'en connais des immondes et je les garde pour les Suisses. J'irai plus dans vos booms, elles sont tristes à pleurer. Comme un sourire de clown, comme la pluie sur l'été. Lorsque je me suis barré, j'ai croisé les roussins, uniforme bleu foncé et képi sur le crâne. Tout ça à cause d'un voisin qui aimait pas Bob Dylan. M'ont foutu un PV, pas de lumière sur ma meule. On cru bon l'ajouter qu'ils aimaient la jeunesse. Puis je suis rentré tout seul, même pas en état d'ivresse. J'irai plus dans vos booms, elles sont tristes à pleurer. Comme un sourire de clown, comme la pluie sur l'été. J'irai plus dans vos booms, c'est d'ailleurs. Terminé la boum, t'as vu ce con, mais y'a que des grosses avec des boutons. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, moi j'ai ma copine. La boum, c'est ce que chante en 1977 l'éternel adolescent Renaud, parce que pendant les surbooms et les surprises parties, il y a toujours une adolescente un peu timide qui n'ose pas danser et qui prétend qu'elle garde le sac de sa copine. Le sac ado, bien sûr. Alors, pour poursuivre notre exploration du monde des ados, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, à 11h45, de te révéler le conflit génération qui a opposé ces derniers jours nos deux héros pourtant juvéniles, Monique et Jean-Claude, à leur fille Elsa. En effet, mardi dernier, Jean-Claude fut intrigué par l'étrange comportement de sa fille. Alors qu'on fêtait ses 16 ans, Elsa a repris 3 fois de ce gâteau confectionné par Monique pour son anniversaire. Jean-Claude est un père moderne et il craint que son adolescente de fille soit devenue quelque peu boulimique. Alors Jean-Claude, il décide de parler à Elsa. T'as changé depuis quelques semaines, là, je t'observe. J'ai changé? Oui. En quoi j'ai changé? Je sais pas. Tu souris plus beaucoup. Puis je te connais, là, têtu, bourrique comme tu es, tu liras jamais pourquoi tu... Mais non, mais y a rien. Écoute. Je t'assure, y a rien. Ça fait 1 mois environ que t'as changé. 1 mois? Oui. Et pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, alors? On se parle pas beaucoup. Ouais, d'accord, mais c'est pas une raison. Et oui, on ne se parle jamais assez entre parents et enfants. Jean-Claude insiste un peu pour savoir ce qui ne va pas chez Elsa. La jeune ado craque et se confie à son papa. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Mais c'est pas grave, dit Jean-Claude. Lui, il aime sa fifi chérie. Oh, trop naze. Elsa soupire et lève les yeux au ciel. Jean-Claude raconte alors à Elsa que lui aussi, lorsqu'il était ado, il avait des rêves. Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare, tu sais. J'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur. Mes 3 chansons sur 2 accords, moi, j'attendais mon heure. Elsa est un peu surprise en apprenant que son père a été lui aussi un jour adolescent. C'est alors que Jean-Claude décide d'offrir à Elsa son cadeau pour ses 16 ans. Il s'agit d'une guitare ainsi que des leçons particulières. Le premier cours d'ailleurs aura lieu demain matin. Le lendemain de son anniversaire, Elsa et sa nouvelle guitare attendent donc leur professeur. Il s'agit de Raphaël, le fils d'un collègue de Jean-Claude. Il a 20 ans et en le voyant, Elsa se dit immédiatement que ses leçons s'annoncent vraiment particulières. Raphaël s'installe dans la chambre d'Elsa, sur le lit au milieu des peluches, et pour accorder sa guitare, il fredonne une mélodie. Demain à l'aurore, nous irons encore glaner dans les champs. Cueillir des promesses, des fleurs de tendresse et de sentiments. Et sur la colline, dans les sauvagines, tu te coucheras. Dans mes bras, ma brune, éclairée de lune, tu te donneras. Elsa regarde ce jeune homme et se sent transportée. Ce sentiment nouveau, elle ne l'avait jamais connu, même pas lors du concert de Matt Pokora. Oui, vraiment, ces leçons vont être très particulières. Elsa et Raphaël sont de plus en plus intimes. Soudain, le jeune homme pose doucement sa main sur celle d'Elsa. Elsa a un mouvement de recul, mais Raphaël la rassure. Viens, donne tes 16 ans au bonheur qui prend forme pour que ton corps d'enfant peu à peu se transforme. Viens, n'hésite pas. Mets ta main dans ma main, simplement, et donne tes 16 ans. Elsa prend donc la main de Raphaël, mais elle la lâche très vite, car Jean-Claude vient d'entrer dans la chambre pour voir si tout se passe bien, quoi. La leçon est terminée, mais avant de partir, Raphaël invite discrètement Elsa à boire un verre demain, après le lycée. Le lendemain, à la sortie du lycée, Raphaël, le casque de moto sous le bras, attend Elsa. Tous deux s'installent à une terrasse de café pour profiter de l'été en avril. Raphaël demande alors à Elsa si elle a connu d'autres garçons avant lui. L'adolescente répond que oui, bien sûr, hein. Mais Raphaël n'est pas dupe. Dans le café du lycée, faut que tu bluffes, que tu mentes. autour des diabolos mentent. Quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Elsa rougit un peu. Oui, elle le sait maintenant, elle est amoureuse de Raphaël et jamais, plus jamais, elle n'aimera quelqu'un d'autre. Sauf que depuis hier soir, à la maison, Elsa est rêveuse, un sourire perpétuel accroché à son visage. Jean-Claude perspicace a deviné ce qui se passe et demande à Elsa si elle a rencontré un garçon. Mais Elsa refuse d'avouer son flirt. Jean-Claude répond à Elsa qu'elle a raison, les garçons sont tous des brigands, sauf lui, son père. C'est alors que Jean-Claude demande à Elsa de lui montrer ses progrès en guitare. Il a déjà payé plusieurs heures de cours, elle a dû progresser. L'adolescente se concentre et se lance. Jean-Claude est consterné. C'est donc là-dedans que passe sa thune. Mais c'est une merde ce prof de guitare. Pour Jean-Claude, c'est clair, ce prof, il va le virer. C'est un incapable. Affolée, Elsa tente de l'en dissuader. Les leçons particulières quand le maître a 20 ans. Les leçons particulières, c'est pas tellement embêtant. Jean-Claude comprend alors soudain ce qu'il a bien pu se passer durant ces leçons particulières, oui. Et il lui dit qu'il va faire venir, va virer le prof de guitare parce qu'il pensait que sa fille vivait un mal son adolescence. Tu parles, Jean-Claude dit à Elsa qu'il est très déçu, mais que c'est rien face aux angoisses de Monique. Regarde ta mère, elle est inquiète, elle t'a pleuré. Le type qui est derrière la fenêtre, je vais me le payer. Elsa rétorque à son père qu'elle s'en fout, parce que quand elle aura 18 ans, elle partira avec Raphaël sur la route, la la la la. L'adolescente court s'enfermer dans sa chambre pour écrire sa peine sur son journal intime. Jean-Claude se dit que bah ça lui passera, va. Surtout qu'il y a son fils Rémi, un adolescent qui gaspille toutes ses journées, vautrait devant la télé. Jean-Claude, un peu dépité d'avoir brusqué Elsa, décide d'aller parler à Rémi, mais avec plus de tact cette fois-ci. J'ai eu moi aussi 17 ans, le monde n'était pas différent. Certains n'avaient rien à gagner, des places leur étaient réservées. Je détachais dans des revues toutes celles qui étaient moitié nues. J'ai fait l'amour solitairement. Où est la honte à 17 ans ? Elsa, qui vient d'entendre les confidences de Jean-Claude à Rémi, est morte de rire. Décidément, ce papa est un peu maladroit avec ses enfants adolescents. Mais il est touchant, ce Jean-Claude, avec ses conseils donnés depuis leur plus tendre enfance. Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, papa, papa, t'es plus dans le coup, papa. Papa, papa, papa, t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, aide tes frères, tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre, il me l'a ramené en pièces détachées. papa, papa, papa, t'es plus dans le coup, papa, papa, papa, papa, t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, ce garçon est volage, fais attention, il va te faire souffrir. Pourtant, près de lui, je vis dans un nuage, et le bonheur danse sur mon sourire. Papa, papa, papa, t'es plus dans le coup, papa, papa, papa, papa, t'es plus dans le coup, papa, papa, papa, papa, t'es plus dans le coup, papa, t'es plus du tout, du tout. Papa, t'es plus dans le coup, c'est ce que constatait Ludivine Sagnier en 2001 dans le film « Huit femmes » de François Ozon. Cela dit, dès 1963, Sheila faisait le même constat, comme des millions d'ados aujourd'hui, et comme leur diront un jour leurs propres enfants, un grave. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre balade dominicale chez les teenagers. De Gavroche sur les barricades, Patrick Bruel barricadé, des charmes juvéniles de Lolita aux mutations des adolescents centristes et des maladresses paternelles du Jean-Claude aux états d'âme d'Elsa, nous t'avons dressé un panorama incomplet et totalement subjectif, bien sûr, de ce que peut être parfois l'adolescence. Alors, pour finir, on a coutume de dire que l'adolescence, c'est un passage ingrat, mais pas que. Il y a des trucs formidables à cet âge-là. Regarde, quand tu es ado, tu as l'avenir devant toi. C'est fantastique. Tu peux facilement passer 3 nuits blanches sans être cassé. C'est fantastique. Tu ne payes pas d'impôts. C'est fantastique. Et puis surtout, tu découvres tes premiers émois amoureux avec de nouvelles matières. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. Nous l'affirmons sans complexe. Nous sommes adeptes du latex. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. C'est une question de réflexe. Nous sommes adeptes du latex. C'était Elmer Footbeat et son plastique que les ados, comme tous les autres, doivent consommer sans modération. Voilà, fin du 76e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi l'adolescence, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour un remix un peu spécial, mais total foutraque et archi loufoque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Éric Mainviel et de Dimitri Gronoff. Merci beaucoup à vous deux, c'était impeccable. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci, Flora. Merci aussi à Perrine Reversa, notre nouvelle stagiaire. Merci à elle. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouverez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc dimanche prochain à 11h pour une émission un peu spéciale. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Hé hey Mélanie, t'as vu l'émission sur les jeunes là hier soir? Non mais abusez une fois de plus des clichés sur nous, c'est trop naze. Pff, entre nous, s'ils savaient ce qu'on pense de vous. Je te jure. Mais s'ils savaient surtout à quel point ils nous connaissent pas.